Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être aussi nombreux ce soir pour le 21e épisode de la saison 4 de la Fabrique d'admiration et d'impertinence que propose le théâtre Le Quai. Cette fabrique a pour l'ambition de proposer un rendez-vous savant, ludique, impertinent, qui mêle gestes artistiques et paroles universitaires sur des thématiques qui sont dictées ou par la programmation du Quai, mais aussi par l'actualité ou encore par l'envie des différents participants que nous pouvons accueillir. Le projet est porté par les deux universités d'Angers, l'Université d'Angers et l'Université catholique de l'Ouest, et aussi bien évidemment par le Théâtre du Quai, par l'intermédiaire de la conceptrice un petit peu de toutes ces fabriques, qui est Jennifer Dodge, qui est ici, qui malheureusement ne peut pas se présenter devant vous parce qu'elle est victime d'une extinction de voix. Et vous en conviendrez, c'est pas chose facile du coup de prendre la parole en public pour ça. Donc je la remplace un peu au pied levé et je vais essayer de faire au mieux. Je souhaitais aussi vous dire que les trois prochains rendez-vous de la fabrique seront sur, comme je vous le disais, des thématiques riches et variées, et on traversera aussi bien les thématiques de l'anticipation du crime que les figures du père, et on terminera la saison avec la présence des algorithmes dans notre quotidien. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement varié. Tous ces rendez-vous sont gratuits et sur réservation. Ils sont enregistrés. Vous avez donc accès sur notre site, sur le site du Quai. Vous pourrez les réécouter. Notre rendez-vous de ce soir, vestiaire et identité française, quelle normalisation, va vous convier en fait à une conférence performée qui va durer à peu près une heure, mais qui sera suivie d'un échange avec le public, avec vous. Donc, elle est proposée en écho au spectacle que nous accueillons depuis mardi dernier dans le Théâtre 900, le spectacle du collectif des Chiens de Navarre jusque dans vos bras, qui traverse justement ces thématiques de l'identité, enfin de ce concept parfois un peu fumeux de l'identité française, avec un humour, pour ceux qui l'ont peut-être déjà découvert, ou je ne spoil pas trop pour ceux qui vont le découvrir tout à l'heure, avec un humour décapant, voilà, qui va décortiquer un petit peu toutes ces thématiques. Donc, dernière représentation ce soir à 20h. Il est temps pour moi de vous présenter les intervenants en fait de cette soirée, et puis d'en profiter pour les remercier de leur implication dans la construction de ce rendez-vous, de cette soirée. Il s'agit donc de Jérémy Brucker, voilà, sur votre droite, qui est doctorant en histoire contemporaine à l'Université d'Angers, et François Ourmand, qui est professeur en sciences politiques à l'Université d'Angers également. Ils seront accompagnés pour le côté performé de cette conférence performée par Benoît Castel, Elsa Duré, Léa Guimet, Eva Abasque, Benjamin Lamy, Beru, Maria Moret et Clara Thibault, qui sont tous élèves de la classe d'art dramatique du Conservatoire à rayonnement régional de la ville d'Angers, sous la direction de Stanislas Sofanor. On a le théâtre 400 qui commence à s'écrouler. Je vais passer la parole à François Ourmand, et puis c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une belle soirée, une belle fabrique et une belle soirée ensuite. Merci à vous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais préalablement remercier Jenny, en effet, pour son invitation. Une invitation à cette conférence performée et une invitation aussi à réfléchir sur une question qui finalement ne va pas tellement de soi, il me semble, sur la question entre l'identité nationale et plus particulièrement sans doute l'identité nationale française et le vêtement. Il me semble qu'il y a là d'une certaine façon un paradoxe, tant il est difficile, me semble-t-il, d'assigner ou d'associer un vêtement singulier, si on sort évidemment des stéréotypes folkloriques, mais d'associer un vêtement singulier à la nation française. Au contraire, l'histoire politique de l'affirmation de l'État-nation semble converger plutôt vers une volonté d'uniformisation, une uniformisation qui s'est traduite, on le sait bien, et c'est quelque chose d'assez banal, à travers la langue, sur le plan linguistique, à travers l'apprentissage du français, au détriment des langues régionales et des dialectes locaux. Une uniformisation qui s'est aussi traduite sur le plan vestimentaire, et c'est davantage cet aspect que je voudrais aborder ici. On le sait, au XIXe siècle, et la somme des travaux réalisés par Jean-Pierre Le Tullier sur ces questions le montre, on assiste à une apogée du costume régional, ou des costumes régionaux, on va les décliner au pluriel plus exactement, une apogée des costumes régionaux au XIXe siècle, et cet apogée est aussi celui où se marque, dès la Révolution, et plus encore à partir de l'Empire napoléonien, où se marque une volonté de normalisation des apparences et une codification des conduites, les deux allant souvent de pair, bien évidemment. Et donc, ce processus, en quelque sorte, de construction de l'État-nation passe, me semble-t-il, par cette volonté de nivellement des spécificités locales ou régionales. Alors, interroger ce processus suppose, et ça sera l'objet de ma première partie dans cette intervention, de ce premier temps, suppose de le replacer dans une chronologie, et de façon sommaire, j'ai opéré une dissociation assez classique entre l'Ancien Régime et ensuite la Révolution et l'héritage révolutionnaire en particulier. Alors, concernant l'Ancien Régime, il est évident qu'il convient, dans un premier temps, d'aborder le costume de cour. Le costume de cour qui s'impose, et en particulier sous le règne de Louis XIV, je suis passé un peu vite, ce costume de cour donc, qui s'impose avec Louis XIV, costume de cour que l'on appelle aussi parfois l'habit à la française. Alors, une description sommaire, vous le voyez ici, sur ce cliché, trois pièces de vêtements le caractérisent, une culotte, un gilet et une veste. Par ailleurs, ce costume, il est aussi marqué par sa flamboyance, on le voit sur son second cliché aussi, une flamboyance à travers des couleurs éclatantes, des étoffes brillantes, souvent de la soie moirée. Il est aussi orné de paillettes, d'argent ou de fils d'or. Bref, un costume qui peut aller avec tous ces éléments jusqu'à peser 4 kilos. Cette dimension fastueuse du costume ou de l'habit à la française, elle témoigne aussi de la volonté de Louis XIV, évidemment, de donner à la cour de Versailles un éclat tout particulier. Et les courtisans sont aussi contraints d'endosser un certain nombre de costumes et un certain nombre de ces fastes. Pour le mariage, par exemple, du duc de Bourgogne, petit-fils du roi, le 7 décembre 1697, le duc de Saint-Simon raconte comment il dut dépenser une fortune malgré lui. Je le cite. Le roi s'était expliqué qu'il serait bien aise que la cour y fût magnifique. Et lui-même, qui depuis longtemps ne portait plus que des habits fort simples, en voulut de plus superbes. Ce fut à qui se surpasserait en richesse et en invention. Il n'y avait donc pas moyen d'être sage parmi tant de folies. Il fallut plusieurs habits. Entre Madame de Saint-Simon et moi, il nous en coûta 20 000 livres. Alors, on voit à travers cet exemple, cette citation de Saint-Simon, la nécessité, évidemment, dans laquelle se trouvent les courtisans de tenir leur rang et les dépenses, évidemment, somptueuses que cela peut entraîner pour leur fortune. Donc, il y a une volonté du roi et d'imposer cette cour fastueuse. Le roi montre l'exemple, même si, comme le souligne Saint-Simon dans ce texte, il, sur la fin de sa vie, emprunt de dévotion, il se pare plutôt de vêtements austères. Toutefois, pour le mariage du prince de Conti en 1713, le Mercure de France raconte qu'il portait un habit de pluie d'or, tandis que son petit-fils, le duc de Berry, en arborait un de pluie d'argent. On voit bien aussi cette magnificence de la cour qui fonctionne comme un marqueur identitaire et un marqueur politique, à la différence notable, par exemple, de la cour d'Espagne où tend à prévaloir le noir comme couleur, l'austérité du noir, et cela depuis le règne de Philippe II. Alors, avec l'habit de cour se rajoutent d'autres accessoires. On peut notamment parler des chaussures qui s'ornent de boucles brillantes en laiton, en quartz, en strass, voire parfois en diamant, et des chaussures qui, parfois aussi, comme on le voit sur le portrait ici, ce détail du portrait de Louis XIV peint par Hyacinthe Rigaud, des chaussures qui se parent aussi de talons rouges. Cette mode des talons rouges que Louis XIV va populariser, cette mode, elle a été lancée par son frère, monsieur le frère du roi. Alors, une anecdote raconte que lors du carnaval d'hiver de 1662, le frère du roi vint s'amuser à Paris, près du cimetière des Innocents, et cimetière des ce quartier de Paris qui était l'un des plus vivants à l'époque, mais où se trouvaient aussi les abattoirs, les lieux d'écarissage. Et donc l'anecdote raconte que c'est en foulant le sol de ces lieux que les talons du prince baignèrent dans le sang des bêtes et ainsi se colorèrent de carmin. Et donc Louis XIV adopte cette mode des talons rouges, et ensuite, bien évidemment, tous les courtisans, eux aussi, s'y associent. Alors l'héritage de Louis XIV va rester globalement inchangé jusqu'en 1789, jusqu'à la Révolution. La cour brille de multiples feux. C'est une cour brillante qui voit les hommes et les femmes rivaliser de luxe et d'inventivité, et parfois même jusque dans les coiffures extravagantes qui sont portées par les femmes de la cour, même si la perruque qui a été popularisée par Louis XIV après qu'il perdit ses cheveux au milieu du XVIIe siècle, même si les femmes ne vont commencer véritablement à porter la perruque qu'à partir de 1730. Alors il existe aussi, sur ce point, une différence notable entre la France et l'Angleterre, différence notable que souligne Montesquieu en 1735, et je le cite: « Un gentilhomme anglais est un homme le matin habillé comme son valet de chambre. Un gentilhomme français est un homme qui a un valet de chambre habillé comme lui. » Il faut donc attendre la Révolution française pour voir s'opérer véritablement une mutation décisive dans les représentations vestimentaires. Parmi tous les symboles, évidemment, qui sont balayés par la Révolution, il est difficile de ne pas évoquer la culotte. La culotte, en effet, on l'a vu, était un élément du vestiaire de la cour. C'est l'apanage de la noblesse de cour, et la culotte devient alors l'emblème, en quelque sorte, de l'aristocratie déchue, et une forme de stigmate. À côté de certains symboles que l'on connaît, la cocarde tricolore, le bonnet, il s'agit pour les révolutionnaires, à l'époque, en 1789, d'assurer la promotion des pantalons, l'expression sans culotte traduisant aussi la volonté de marquer l'avènement d'un nouvel ordre politique et la promotion des valeurs de liberté et d'égalité. Au-delà de ces valeurs de liberté et d'égalité, il s'agit aussi pour les révolutionnaires, comment dirais-je, de rejeter l'extrême différenciation propre à l'héritage monarchique. Donc on voit déjà les prémices d'une volonté d'uniformisation vestimentaire, une uniformisation vestimentaire que Bonaparte va considérablement consolider. En effet, dès le consulat, on voit ici Bonaparte représenté par le peintre Antoine Jean Gros. Pardon. Ici, Bonaparte représenté par le peintre Antoine Jean Gros, je le disais, qui prévoit dès le consulat en fait des uniformes pour toute la population. La loi du 3 niveaux en 8, c'est-à-dire du 24 décembre 1799, régit en effet dans ses moindres détails les costumes des membres du corps législatif, et ensuite d'autres arrêtés, d'autres décrets vont définir les tenues des ministres, des conseillers d'État, des préfets, des commissaires de police, des receveurs des domaines, etc. etc. Donc on voit hein, cette volonté de doter en fait toutes les bureaucraties civiles et militaires d'uniformes. Et en somme, personne dans l'esprit de Bonaparte ne doit échapper à cette uniformisation des apparences, une uniformisation des apparences qui traduit une volonté de hiérarchiser bien évidemment les corps constitués, les grands corps de l'État, d'assurer leur visibilité dans l'espace public, bien sûr, mais des uniformes qui doivent aussi attester le renforcement et la centralisation du pouvoir. On pourrait parler aussi de sa dépatrimonialisation, conformément aussi à toutes les règles protocolaires qui se mettent en place et qui se consolident sous l'Empire napoléonien. Alors cet empire napoléonien, de ce point de vue, va perdurer. Les uniformes ne disparaissent pas totalement avec la République, bien au contraire. L'État continue d'arborer, selon les contextes, un vestiaire. Les différents corps de l'État vont arborer, selon les contextes, en effet, un vestiaire spécifique. L'université continue à porter la toge. Et les instituteurs, ce que Charles Péguy avait nommé les hussards noirs de la République, vont eux aussi être dotés d'uniformes spécifiques, comme on le voit ici, hein, la rompanne, ce vêtement que porteront les normaliens jusqu'au XXe siècle. Alors, je vais continuer sur le XIXe et le XXe siècle et m'attarder plus particulièrement sur les vêtements de travail qui me sont chers. Lorsqu'on parle du vêtement, on peut se voir que manifestement, c'est une interface entre le corps et la société qui donne à voir et à lire. En effet, il reflète à la fois la place, le statut et les fonctions d'un individu. Alors, le vêtement peut constituer une porte d'entrée privilégiée pour accéder à l'identité d'une personne ou d'un groupe. Mais dans quelle mesure peut-il être le miroir d'une identité française ou plutôt d'une identité à la française ? Il s'avère que les vêtements professionnels offrent quelques clés de lecture sur la question. Il s'agit de voir comment ils peuvent porter une identité nationale, notamment dans les grandes entreprises qui, finalement, sont la vitrine de la France. Alors, les uniformes, les vêtements de travail, soudent en quelque sorte un groupe humain. Ils autorisent une vision partagée du monde du travail. Ils autorisent aussi une vision partagée d'un certain mode de vie. Par ailleurs, ils offrent une lecture commune du passé et ils proposent une projection dans l'avenir. Alors, cette question de l'identité, elle participe à la fabrique sociale des apparences et du corps au XIXe et au XXe siècle, qui se traduit à cette époque par l'uniformisation et la normalisation du vestiaire national. Facteur de ville, tunique en drap vert dragon, collet écarlate, boutons en métal doré, pattes à trois pointes dites soubises, adaptées sur le derrière de la jupe. Passepoil en drap écarlate sur le devant, sur les manches et sur la soubise. Pantalon en drap gris de fer ou en treillis gris fort, selon la saison. Forme demi-hussarde, poche en long sur chaque côté de la couture extérieure. Képi shako en cuir, vernis mat, hauteur par derrière 19 cm, par devant 11 cm. Visière estampée, filet bourdalou en cuir verni piqué, orné sur le devant d'un bouton d'uniforme, d'une cocarde et d'un galon vert en laine. Alors, vous venez d'avoir une très belle description de cette tenue qui correspond à l'instruction générale de 1876 pour les facteurs de ville. Et on s'aperçoit que la fabrique d'une identité passe d'abord par la normalisation de la tenue, comme au service des postes, où les facteurs de ville portent un uniforme et font partie de ces quelques catégories, finalement, d'employés qui sont habillés d'un uniforme dès la monarchie de Juillet. Alors, on uniformise des personnels grâce à des formes vestimentaires contraignantes, normalisées. Il s'agit d'habiller des effectifs qui sont de plus en plus nombreux lorsqu'on s'avance vers la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, les administrateurs des postes et d'ailleurs ceux des chemins de fer vont trouver leur source d'inspiration à l'armée, puisqu'il s'agit de prendre des mesures pour un nombre grandissant d'individus, des hommes, et de leur fabriquer des tenues préfaçonnés pour gagner du temps et de l'argent. Alors, dans les années 1870-1880, on s'aperçoit que la construction d'un espace national semble coïncider avec les débuts de cette uniformisation du vêtement civil dans les monopoles d'État. Facteurs ruraux, tenue obligatoire. Blouse en toile bleue ouverte sur la poitrine et garnie de deux rangées de 7 boutons. Collet rouge écarlate adhérent, rabattu. Ceinture en cuir noir verni avec boucle par devant. Pantalon et guêtre en drap gris de fer en hiver et en treillis gris fort en été. Casquette en drap vert, forme russe avec passepoil rouge sur les coutures. Visière et fond de la casquette en cuir verni. Alors ici, vous avez des modèles avec casquette ou avec chapeau, puisqu'il y a une tolérance pour l'été, vous pouvez porter un chapeau de paille. Il s'avère que la blouse est l'uniforme du peuple par excellence. À la fin du XIXe siècle, à partir des années 1830 et jusqu'au début du XXe siècle, les postes vont uniformiser ces groupes sociaux les plus modestes qui, avec une certaine fierté, vont intégrer l'État. Ce vêtement devient donc le vêtement national par excellence. Et avec ces vêtements imposés, l'administration postale va faire perdre aux individus leur identité personnelle, comme dans les rangs militaires d'ailleurs, pour créer un nouvel ordre social et pour former un corps professionnel unifié. Alors ces mesures ont pour but évidemment d'empêcher les uns et les autres de porter de vieux vêtements et surtout de revendre leurs vêtements neufs pour récupérer de l'argent. Bon, toujours est-il que ces administrations, postales et cheminotes, cherchent à transformer l'apparence des agents et à faire disparaître les éléments d'identification personnelle pour qu'une reconnaissance de la profession soit rendue possible avec des signes uniformologiques comme à l'armée. Alors, cette élaboration d'une tenue portée à l'échelle nationale contribue évidemment à la disparition des vêtements locaux traditionnels. On pourrait même dire qu'ils sont dérégionalisés en quelque sorte. Et dans la mesure où ces vêtements portent l'image de l'entreprise et de l'État, ces tenues font l'objet d'une attention toute particulière, notamment quant à leur entretien. Réprimande à la Compagnie des chemins de fer du Nord, monsieur l'ingénieur en chef rappelle que les chefs de gare doivent porter la casquette et être porteurs de vêtements de couleur sombre. On relève trop de tenues fantaisie. Des chefs de gare se promènent sur le quai en chapeau et en vêtements clairs. Alors cette réprimande date de 1926 à la conférence des ingénieurs de l'exploitation de la Compagnie des chemins de fer du Nord. Et il s'avère que ça fait des décennies qu'on essaye de faire porter ces tenues. Le contrôle de l'apparence est une véritable obsession. À la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans, par exemple, on ne supporte absolument pas les déchirures. Les rapiessages, les raptessages, le ravaudage, enfin, tout ce que vous voulez, ne sont pas autorisés. Il y a d'ailleurs une inspection des tenues qui a lieu à la fois le jeudi et le dimanche. Pourquoi ces jours ? Tout simplement parce que le jeudi et le dimanche, on a changé de linge, on a du linge propre, et le plus méritant perçoit une prime d'un franc pour le mois suivant. Alors que celui qui a contrevenu à l'apparence finalement de l'entreprise, a une amende d'un franc. Alors il va y avoir des manquements très très nombreux, on va passer son temps à réprimander. Il s'avère qu'on a de très grandes difficultés pour faire porter un uniforme imposé, que ce soit aux compagnies des chemins de fer ou au poste. Et pour faciliter l'emploi de ces tenues réglementaires, on choisit des personnels qui sont prédisposés en quelque sorte et qui sont déjà formatés et qui ont répondu d'abord à une enquête de moralité. Alors à la fin du 19e siècle, l'enquête de moralité, quand vous l'avez finalement passée avec succès, il s'agissait tout simplement d'être un bon républicain. Sinon, il y a une deuxième option pour intégrer très facilement ces compagnies et ces administrations, c'est d'avoir été un militaire. Il y a des emplois réservés aux anciens militaires, et notamment à partir de 1905, les emplois de facteurs sont exclusivement réservés aux militaires, mais il va bien falloir puiser dans d'autres groupes sociaux. Pourquoi ? Parce que ces individus qui ont servi dans l'armée, ils peuvent, avec beaucoup de docilité, répondre et exécuter les ordres. Ce d'autant qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les postes sont les détenteurs, enfin les facteurs apportent aussi de l'argent dans les campagnes, et il faut rassurer ces paysans qui, en masse, gardent leur argent à la fois dans le saloir ou autour du cou, dans le mouchoir. Bon, toujours est-il qu'il est difficile de le faire porter aussi, ce vêtement, parce que pendant très longtemps, il est à la charge des employés. Alors cette codification vestimentaire, elle cherche à montrer à tous ses agents qu'en revêtant l'uniforme, on doit porter les couleurs de l'entreprise, on doit adhérer à ses valeurs ainsi qu'à celles de l'État. Alors, les administrations des postes et des administrations ferroviaires vont imposer une tenue qui exige à la fois obéissance et docilité, ordre et exemplarité, si bien que cette construction des apparences doit donner l'image d'une société disciplinée sur le modèle militaire. D'ailleurs, j'avais une petite image sur le rôle des fabricants de vêtements, puisque l'agent doit se prémunir de ses vêtements, et cela coûte à tout point de vue. Des actions civiles ont été intentées par des ouvriers contre leur patron pour défaut de fourniture ou d'entretien de surtout. Mais qu'est-ce qu'un surtout ? En 1910, le tribunal de Chartres a rendu un jugement qui donne une définition du surtout contraire à celle donnée par le jugement de Rouen en 1907. Le juge de Chartres considère que le terme surtout est générique et ne correspond pas uniquement à une blouse. Il désigne tout vêtement flottant ou non, en une seule pièce ou plusieurs, du moment qu'il couvre et protège les autres vêtements. Ainsi, une blouse flottante donne tout autant satisfaction qu'une cotte avec une veste de travail. Alors, à l'heure actuelle, ce jugement peut étonner, mais il correspond tout à fait au contexte. En effet, il pose la question de la place de l'État dans les entreprises et de son rôle dans la normalisation des vestiaires. En effet, à la fin du XIXe siècle, il y a une question cruciale qui se pose hein, quant à la sécurité dans les entreprises. Est-ce qu'il est nécessaire de faire porter un vêtement spécifiquement dédié au travail ? La question et la réponse est fondamentalement oui. Mais lorsqu'on impose un vêtement de professionnel ou un vêtement de travail à un individu, qui paye le vêtement ? Il en va de la responsabilité à la fois de l'employeur et de l'ouvrier. Donc, on va envoyer des inspecteurs, hein, notamment après 1892 et finalement ce concours d'inspecteurs qui va permettre d'envoyer des représentants de l'État pour vérifier. Ça correspond aux lois de protection qui sont mises en place à l'égard du travail des femmes et des enfants, mais aussi des ouvriers, notamment dans les entreprises à risque. La question qu'on peut se poser est la suivante. Y a-t-il une spécificité française quant à la constitution de ce vestiaire, quant à la constitution d'un vêtement imposé ? On s'aperçoit en fait que les inspecteurs français ont beaucoup voyagé, notamment dans l'Empire allemand et dans le monde britannique, pour s'inspirer des mesures qui avaient déjà été prises bien en amont, hein, dès les années 1830-1840 en Angleterre et dès les années 1870-80 dans l'Empire allemand. Alors, jusqu'à présent, je n'ai parlé que des hommes, mais où sont les femmes ? Les femmes au chemin de fer du Nord. Les ingénieurs de la compagnie de chemin de fer du Nord ne croient pas devoir adopter un type d'uniforme pour habiller les femmes garde-barrière. Ils pensent qu'en veillant à ce que les femmes garde-barrière se présentent proprement vêtues, il leur suffira de leur donner un brassard. Alors, ce rapport de la conférence des ingénieurs, où il n'y avait que des hommes, du 30 juillet 1890, finalement, résume la situation pour nombre de travailleuses qui sont très présentes dans les entreprises, bien avant la Première Guerre mondiale, contrairement aux stéréotypes et aux idées reçues. Elles sont longtemps ignorées des vestiaires, hein, pendant des décennies. Concernant l'existence des vestiaires, d'ailleurs, de ces lieux pour se changer et s'habiller, il y a une loi qui généralise les vestiaires en 1913 et dans les rapports qui ont été établis pendant la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit que les hommes ont bien évidemment leur vestiaire dédié et les femmes ont la possibilité de se changer sous l'œil bienveillant, bien évidemment, dans le bureau du chef. Et il s'avère que c'est la féminisation du travail, hein, et l'ouverture des métiers aux femmes, des métiers traditionnellement réservés aux hommes. C'est dans ce contexte que les administrateurs des postes et du monde ferroviaire doivent féminiser les formes et les couleurs qui, pendant très longtemps, étaient non seulement masculines, mais aussi importées des casernes. Pour autant, cela prend du temps. Hein. Lorsqu'on regarde les archives de la Poste, eh bien, on s'aperçoit que les femmes n'obtiennent que très tardivement une panoplie complète. Et il faut attendre les années 1960 pour qu'une factrice ait une panoplie complète, alors que les hommes ont, et on l'a vu, dès le 19e siècle, sont habillés de la tête aux pieds. Alors, une nationalisation du vêtement de travail féminin qui est tardive. Les femmes ont souvent été cantonnées au rayon de l'accessoire vestimentaire, quoi qu'il en soit. La femme à l'atelier. Quoi de plus impropre que la jupe et les dessous usuels pour la femme occupée dans l'usine de guerre ? La guerre, en appelant la femme à l'atelier, a nécessité un costume en rapport avec les travaux auxquels elle doit se livrer. Sans parler de lui faire porter le pantalon d'homme qui n'a rien d'esthétique, la femme peut, dans le vêtement que nous préconisons, conserver la coquetterie inhérente à son sexe. Alors, ce texte est issu d'une publicité, d'une réclame qui date de mai 1916, qui est signée de Madame Comard. On ne sait pas si c'est elle qui a écrit le texte, mais toujours est-il que c'est une réclame pour la Françoise, cette combinaison qui s'inspire de la jupe culotte qui avait été présentée par Béchoff David à Auteuil dans les années 1910-1911 et qui avait fait scandale à l'époque. Toujours est-il que on doit faire face à ces nouveaux besoins vestimentaires féminins, si le vêtement féminin, le vêtement masculin existe. Et certains tailleurs, certaines couturières, certains couturiers vont imaginer des tenues adaptées. Je ne sais pas si c'est adapté au corps féminin, mais en tout cas, ils sont adaptés pour éviter une prétendue masculinisation du corps des femmes, et surtout, elles doivent, enfin, ces tenues doivent préserver la féminité des travailleuses. Alors, on ne sait pas précisément combien de tenues ont été fabriquées, selon les patrons de Madame Comart. La photographie qui est au centre de cette diapositive montre que la tenue a existé. Il s'agit de femmes qui travaillent dans une société des automobiles dans le nord de la France, les automobiles de La Haye. Alors, lorsqu'on regarde le catalogue, il s'agit d'un album destiné à servir la propagande de l'État et qui sert aussi à fournir et à soutenir l'effort de guerre. Là encore, le nom du vêtement pourrait laisser penser à une dimension nationale, puisque la Françoise, moi, dans un premier temps, en tant que chercheur, j'imaginais que c'était un jeu de mots avec la Française, celles qui ont été appelées dès le mois d'août pour seconder et remplacer les maris. En fait, il n'en est rien. Les sources ne me permettent pas de dire vraiment et réellement ce qui s'est passé, mais M. François n'est autre qu'un personnage, un individu qui habite au même endroit que Mme Comart. On ne sait pas s'ils partagent le même lit, mais en tout cas, ils sont au même endroit. Bon, toujours est-il que le vestiaire féminin pose souvent problème et soulève toujours de très nombreuses questions, notamment dans le domaine politique. Je te laisse la parole. Merci. Alors, pour mon second temps d'intervention, je voudrais en effet, puisque je me suis focalisé d'abord sur le vestiaire masculin, le pouvoir politique étant encore souvent monopolisé par les hommes, je voudrais ici m'intéresser au vestiaire féminin en politique, en me rapprochant de la période contemporaine, en me focalisant sur le vestiaire des premières dames et accessoirement la perception par les médias essentiellement de ces premières dames et accessoirement aussi, ça sera assez cursif, sur les femmes politiques. La vie politique, si on peut employer un terme un peu universitaire, la vie politique, elle est caractérisée encore par ce qu'une chercheuse anglo-saxonne a pu nommer l'hétérospectacularisation. L'hétérospectacularisation, ce terme un peu barbare, renvoie en fait à une dimension explicitement hétérosexuelle des manifestations politiques et médiatiques qui a pour résultat de confiner les femmes dans une position que l'on peut qualifier de subordonnée. Alors, ici, donc, mon propos sera assez superficiel malgré tout, mais centré sur le traitement médiatique de ces premières dames et de ces femmes politiques. On le sait, en France, les premières dames n'ont pas un statut comparable à celui qu'elles peuvent avoir aux États-Unis, où il y a une forme d'institutionnalisation de la fonction à travers la First Lady. Et il est souvent difficile pour ces premières dames de trouver une place, en quelque sorte, dans la mécanique institutionnelle, parce que rien n'est prévu pour elles, d'ailleurs. Et donc, elles sont souvent réduites, ces premières dames, à un certain nombre de fonctions, ancillaires ou secondaires, plusieurs fonctions qui sont évidemment réductrices si on en juge par la lecture que peuvent nous en proposer les médias. Alors au-delà des traditionnelles fonctions caritatives, bien évidemment, dans lesquelles elles sont souvent cantonnées, elles sont aussi, à travers les médias, souvent présentées comme des faire-valoir qui viennent conforter, en quelque sorte, la masculinité de leur conjoint. Et on peut dire que la presse, évidemment, alimente ces stéréotypes de genre à l'image de Paris Match, à l'instar de Paris Match, hein, qui présente ici, sur cette couverture, Valérie Trierweiler comme l'atout charme de François Hollande. C'est évidemment ici, si l'on peut dire, une représentation à la fois stéréotypée et traditionnelle de la femme trophée, une femme trophée qui apporte en quelque sorte sa dot esthétique au capital politique et médiatique de son conjoint, comme on peut le voir aussi ici avec Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Au-delà de cette première fonction, en quelque sorte sexuée et genrée, la lecture que nous propose la presse ou les médias des premières dames nous les fige aussi dans une fonction de représentation. Ici encore, comme la scène Paris Match, qui compare explicitement La première dame a une seconde Miss France. En voyage à l'étranger, drapée dans les tenues de nos grands couturiers, elle devient mannequin de la République. Bon. Réduite à leur apparence, réduite, enfermée en quelque sorte dans leur corporéité, elles sont considérées comme de purs mannequins. Une spécialiste de la communication politique américaine soulignait que bien souvent, les femmes en politique ne sont qu'une tache de couleur sur la photographie. Cette lecture, je le disais, à la fois mutilante, réductrice, invite en effet les premières dames à se conformer à un rôle. Elles ne sont plus que les représentantes de la mode française, éventuellement de la haute couture, et elles doivent en quelque sorte assumer la promotion des grandes maisons de couture, œuvrer aussi par ce biais inévitablement au rayonnement de la France dans le monde, à l'image pendant longtemps par exemple de Bernadette Chirac pour Chanel ou Dior. Avec Nicolas Sarkozy, s'est opérée une mutation, un tournant que d'aucuns ont pu caractériser de pipolitique dans la vie politique française, une pipolisation qui s'est traduite, on le sait, par l'affichage de la vie privée du président, hein, avec Carla c'est du sérieux, mais aussi par une valorisation du glamour et de la beauté, pourrait-on dire, valorisation du glamour et de la beauté qui est aussi passée par la mode, le vestiaire, à l'image de Cécilia Sarkozy, ici habillée en Prada, ou encore de Carla Bruni, qui sait ici jouer sur les apparences et cultiver, pourrait-on dire, une certaine inter-iconicité en adoptant le dress code de Jackie Kennedy. Alors, au-delà des premières dames, si je m'intéresse aussi aux femmes politiques, les femmes politiques, pendant longtemps, en effet, ont refusé de jouer la carte de la féminité, au risque, enfin, pour éviter évidemment toute suspicion de pouvoir arriver à leur poste, non pas au nom de leur talent, mais éventuellement d'autres critères plus subjectifs, pourrait-on dire. Mais ce que l'on peut constater aussi, c'est que cette logique du casting assez étonnante prévaut parfois dans le choix des personnalités politiques comme des ministres. J'ai retrouvé, en lisant le livre de Patrick Buisson qui fut le conseiller, non pas occulte, mais enfin le conseiller de Nicolas Sarkozy pendant de nombreuses années et qui a eu pour caractéristique, vous le savez sans doute, d'enregistrer tous les entretiens privés qu'il avait pu avoir avec le président. Le 21 juin 2007, Patrick Buisson raconte dans son livre, donc La cause des peuples, qu'au moment de la composition du deuxième gouvernement Fillon, Nicolas Sarkozy soliloque et voici ce qu'il dit. « Je sais bien que je suis le Tom Cruise du pauvre, mais enfin Gérard Larcher ministre, ce n'est pas possible. Il est trop laid. Tandis qu'avec Rachida et Rama, on va leur en mettre plein la vue. » Alors, en assurant évidemment la promotion de Ramayad et de Rachida Dati, Nicolas Sarkozy satisfaisait sans doute évidemment aux exigences de la parité, à la valorisation aussi des minorités, mais il voulait aussi jouer la carte du glamour et de la beauté, comme l'attestent un certain nombre de ces clichés ici de Ramayad ou de Rachida Dati. Alors, sur le temps long, on s'aperçoit donc que s'est opérée une forme de glissement de l'élégance ou de la recherche distinctive des hommes vers les femmes, du personnel politique masculin, enfin, si tant est qu'on puisse considérer Louis XIV comme tel, à travers cette exception plus contemporaine, mais glissement donc du masculin vers le féminin. Aujourd'hui, on le sait, les hommes politiques sont abonnés à une certaine monochromie. Leur marge de manœuvre est assez réduite. Ils ont le choix de cravates, éventuellement, ou de chaussettes rouges, à l'image de celle porté par François Fillon ou Édouard Balladur, dont on sait que Édouard Balladur, tout au moins, celle de François Fillon, je ne sais pas, mais qu'Édouard Balladur allait les acheter à Rome chez Gamarelli, qui avait pour caractéristique tout de même d'être le fournisseur officiel du pape et de la curie romaine. Alors, le passage des talons rouges de Louis XIV aux chaussettes rouges m'amène à évoquer aussi les semelles rouges des stilettos Louboutin, évolution donc qui témoigne de cette mutation vestimentaire. Vous le savez sans doute, la caractéristique singulière de la marque Louboutin, c'est évidemment la couleur de ses semelles, cette semelle rouge, qui est ici adoptée par Carla Bruni lors d'une visite officielle en Espagne. On la voit ici de dos avec Laetitia d'Espagne. Ces stilettos, donc, qui sont évidemment des marqueurs distinctifs et ostentatoires de classe. Des stilettos, Louboutin ou non, mais qui sont aussi parfois endossés par des femmes politiques. Il y a un renouveau générationnel, on l'a vu à partir des années 2000, de femmes politiques qui jouent de façon plus affirmée de leur féminité et qui ont su d'une certaine façon aussi investir cet objet qu'est le talon aiguille ou le stiletto, donc en symbole du girl power, pourrait-on dire, avec néanmoins le risque d'être par les médias relégués dans une position un petit peu dévalorisante, à l'image de Fleur Pellerin, ici, présentée par Closer, si je ne m'abuse, hein, présentée par Closer comme Miss Louboutin, et dont on voit ici que, manifestement, l'essentiel des préoccupations reste le poids des apparences, le souci des apparences et sa prédisposition, manifestement, pour le luxe. Même chose pour NKM, que l'Express nous présente comme une Amazone en stiletto, et que dire en effet aussi de Rachida Dati, qui fut surnommée à une époque par Marianne Duradati pour son affection ou sa prédisposition pour la marque Dior, et qui a pu être stigmatisée, comme on le voit sur ce montage tiré de photos de Paris Match, là encore, qui a pu être stigmatisée comme l'incarnation achevée du bling-bling. Donc il est intéressant de souligner peut-être la dimension sociopolitique de ces chaussures, je le disais, revendiquées par certaines de ces femmes politiques comme un modèle d'affirmation, mais considérées souvent par les médias et peut-être aussi pour une part par l'opinion publique comme... comment dirais-je, l'emblème de ce que le sociologue américain Thorsten Veblen avait pu qualifier de superfluité hein, dans son livre « La théorie de la classe des loisirs » à la fin du XIXe siècle. La superfluité qui est un concept qui est une condensation en quelque sorte du superflu et de la frivolité. Évidemment, le vestiaire est aussi indissociable des rôles sociaux que l'on endosse et que l'on est parfois contraint d'endosser, d'ailleurs. Celui de Brigitte Macron illustre bien cette métamorphose de la professeure de français du lycée La Providence à Amiens, métamorphosée en première dame et accessoirement en égérie pour Louis Vuitton. La France, la mode. La mode, la France, ah la France. Que serait notre pays, notre beau pays, sans Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Jean-Paul Gaultier et bien d'autres encore. Parler de notre nation sans mentionner notre indiscutable supériorité sur toutes les questions afférentes au style, à l'élégance et à la distinction que notre science de la mode nous confère, serait une hérésie. Cependant, notre langue, notre magnifique langue française, qu'à l'instar de notre mode, l'univers nous envie, est également un élément essentiel de notre identité. Voilà pourquoi nous allons vous proposer d'assister à un événement qui risque sans doute de bientôt remplacer le défilé du 14 juillet. Mesdames et messieurs, voici, en exclusivité mondiale, le défilé de mode des gardiens du temple de notre identité, le défilé de mode des professeurs de français. Vous le constatez, Madame Boivet a opté pour un pantalon en jean que certains qualifieraient de noir mais qui est indéniablement couleur ébène. Le sens du devoir est rehaussé par le choix de ses chaussures qui impose immédiatement un certain penchant pour l'abnégation et le sacrifice, notamment lorsque l'on prend la peine de constater la fermeté avec laquelle les lacets sont serrés. À ces indices, on se doute que l'écrivain de prédilection de notre enseignante est Corneille. Cette sensibilité à l'auteur du Cid s'accentue manifestement si l'on prend le soin de regarder la chaussure, mettant en valeur une cheville à la fois fine et forte, déterminée et idéaliste telle Camille dans la célèbre pièce Horace. Attardons-nous maintenant sur la chemise qui vous est proposée. Le choix du coton n'est pas anodin et démontre que le sens de l'honneur, aujourd'hui assez peu en vogue, reste chez notre professeur une valeur cardinale. Nous comprenons cela aisément avec une veste comme celle qui est portée et qui raconte à elle seule le choix d'enseigner dans les zones d'éducation prioritaire où le sens du devoir cornélien a tous les jours l'occasion de s'exprimer. De la même manière, la montre que vous voyez là ici, classiquement au poignet gauche, nous laisse entendre qu'en dépit des menaces de mort, un rapport sera fait, dénonçant les 7 iPhones retrouvés dans le cartable d'un élève de la 5e 3. Avec un pull à la fois simple et décontracté, qui a la particularité de très bien souligner son port de tête, Madame Morec, jeune enseignante stagiaire en littérature, nous montre ainsi son attachement aux valeurs abolitionnistes. Le souhait de garder notre tête sur nos épaules, quel que soit notre crime, est accentué par la couleur vive du t-shirt, que l'on peut subtilement apercevoir sous le pull, à condition d'y porter un regard attentif. La caractéristique, objectivement grotesque, des chaussures proposées, nous permet de deviner l'influence de l'œuvre de Victor Hugo sur la pédagogie de notre enseignante. Les chaussettes en coton réussissent parfaitement à exprimer à la fois l'insoumission et l'esprit de révolte de l'auteur du dernier jour d'un condamné, tout en gardant une dimension d'espièglerie très gavroche. Le jean, lui, permet une très belle mise en valeur de la jambe, parvenant ainsi à nous donner l'image exacte des fantasmes du prêtre lubrique de Notre-Dame de Paris. Et cela, sans pour autant tomber dans le piège de la grivoiserie. Attardons-nous maintenant sur les accessoires, à commencer par le choix d'une ceinture d'une banalité remarquable qui donne facilement l'impression d'un humanisme débridé nécessaire au salut des peuples européens. Nous finirons en portant notre attention sur le sac à dos qui, avec sa couleur passe-partout, permet de sublimer le deuil en pure poésie. Observons à présent la tenue de Monsieur Chalon, professeur de lettres en établissement d'enseignement supérieur, qui a opté pour une veste au col légèrement remonté, exprimant ainsi un certain goût pour l'aventure. Ce type de veste, portée de cette manière, invite assez aisément les élèves à quitter le confort de leur vie sédentaire et les projette sur les sentiers inconnus des causes supérieures. Le choix d'une classique chemise en coton blanc est d'une audace relative, mais il permet néanmoins de concilier modernité et tradition, et ce faisant, nous plonge en un éclair dans la peau d'un Gascon bravache mais attachant. L'œuvre d'Alexandre Dumas, comme on l'a immédiatement deviné, détermine chaque élément de la tenue qui nous est proposée. Par exemple, ce pantalon de type blue jean nous laisse apercevoir toute la simplicité et la franchise d'Edmond Dantès, alors que la ceinture rappelle quant à elle toute la sagacité et la profondeur du comte de Monte Cristo. Les chaussures, que vous pouvez maintenant admirer sous et non au-dessus du pantalon, ont le double avantage grâce à leur couleur et leur talonnette. D'abord, de capter l'attention des élèves jusqu'à la fin du cours de 3 heures, mais également d'évoquer les chevauchées des mousquetaires du roi. Et cela grâce à l'angle d'inclinaison de l'arrière de la semelle. Notons pour conclure l'indispensable accessoire, à savoir une écharpe, qui portée de la sorte autour du cou, rappelle à s'y méprendre, la couleur et les plumes exceptées, le panache blanc de l'époux de la reine Margot. Cette écharpe donne ainsi la possibilité aux élèves des beaux quartiers de se rallier sous une bannière d'entraide et d'altruisme et de renoncer, pour un temps du moins, aux substances illicites qui, bien souvent, brûlent les ambitions de notre jeunesse. Madame Durandel, nous offre, par la tenue qu'elle arbore, une cascade de couleurs. Les élèves auxquels elle s'adresse comprennent instinctivement que le professeur de français qui se trouve devant eux est indéniablement en avance sur son époque. L'avant-gardisme de la couleur de ce polo, quand elle est associée à celle de ce pantalon, invite le collégien à se projeter dans l'avenir. Il relativise ainsi de lui-même l'intérêt de s'obstiner à jeter ses chewing-gums dans le t-shirt de Jennifer et se concentre sur la conjugaison du verbe avoir à la deuxième personne du pluriel au passé simple. Vous pute. Cette enseignante de 6e-5e puise sa capacité à exalter par ses choix vestimentaires ses aptitudes prophético-anticipatrices dans sa passion des œuvres de Jules Verne. La veste qui, comme vous le constaté et constitué de deux manches fait référence directe au duo d'aventuriers Passepartout et Phileas Fogg. De même que ces derniers furent capables de faire le tour du monde en moins de 80 jours, en moins de 80 minutes avec une veste coupée de la sorte, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir n'a plus de secret pour 80% des élèves d'une classe de 5e. Notons pour finir les chaussures qui expriment chacune à leur façon la profondeur des volcans islandais et l'héroïsme de Michel Strogoff. Ce faisant, elles invitent l'élève à considérer que les sources du savoir leur seront plus accessibles que celles du Nil, quand bien même on les chercherait 5 semaines en ballon. Une longue robe sombre assez intemporelle, mais qui pourtant réussit à évoquer un passé lointain grâce à la fluidité de la matière proposée, tel est le choix de Madame Loiseau, professeure de terminale, qui réussit vestimentairement à exprimer l'absolu désespoir avec lequel elle enseigne. La façon, par exemple, dont la taille est très peu mise en valeur, indique clairement le renoncement qui est le sien de parvenir à faire entendre quoi que ce soit aux élèves auxquels elle s'adresse. Le choix subtil d'un décolleté de la sorte, que l'on observe de face ou de profil, offre quant à lui la possibilité aux lycéens d'abandonner tout désir de réalisation personnelle ou professionnelle et d'ainsi s'en remettre aux rigueurs de la destinée. L'influence de Jean Racine et de ses tragédies s'observe également dans le gilet noir, qui a la faculté remarquable de ne pas retenir l'attention et, ce faisant, de nous plonger immédiatement dans l'univers ensanglanté de la Grèce et de la Rome antique. Les sandales, lorsqu'elles sont portées de la sorte, invitent le lycéen à mesurer la profondeur des gouffres créés par les notions d'inceste ou de fratricide. Et là encore, le fait d'avoir opté pour des chaussures de couleur sombre réalise l'objectif avoué de faire toucher à tous le triangle infernal, précarité, chômage, désespoir. Il va de soi que l'utilisation d'accessoires s'imposait et que sans par exemple ces bracelets que l'on observe au poignet droit et au poignet gauche, cette tenue manquerait l'objectif qu'elle s'était fixé, à savoir montrer comment la beauté transcende la fatalité. L'émotion esthétique suscitée par les indispensables boucles d'oreilles invite le lycéen à constater qu'une vie sans doute ponctuée de drames de plus en plus cruels et qui s'achèvera dans la mort ne se résume pas à un récit tragique mais, à toutes les chances, à condition d'œuvrer pour, d'être le théâtre de l'émergence du beau, seul capable d'en finir avec la mort. À nouveau de la couleur et de la fantaisie dans la tenue, portée cette fois-ci par Madame Boucher. Mais notez bien que ces couleurs s'écoutent plus qu'elles ne se regardent, et à condition de bien s'approcher, par exemple, de cette veste, vous pourrez entendre une musique de liberté et d'émancipation. Nous l'avons facilement deviné, c'est bel et bien l'œuvre de Molière qui ici irrigue à la fois la pédagogie de cette enseignante et influence ses options vestimentaires. Par exemple, afin d'insister sur la nécessité de la franchise et de l'honnêteté chère à Alceste, Madame Boucher a opté pour un débardeur de couleur primaire qui, tel qu'il est coupé, invite les élèves à cesser les commérages et autres fabulations pour se consacrer à l'essence même de l'individu et non à la position sociale qu'ils occupent dans la classe. Le fin gilet, adroitement situé entre la veste et le débardeur, raconte quant à lui la nécessité pour chacun de s'affranchir de la tutelle oppressante de cadres familiaux trop sclérosés et n'attacher que les quelques derniers boutons, surligne bien évidemment cette disposition d'esprit. La jupe a ici une valeur aussi bien symbolique qu'esthétique. esthétique donc, puisqu'elle affirme l'importance de l'acquisition du savoir pour les femmes, et également symbolique, puisque compte tenu de sa longueur, elle nous laisse entendre qu'il serait vain que des hommes tels l'Arnolf de l'école des femmes espèrent régner en maître dans des cœurs féminins qui ont depuis longtemps déjà brisé les chaînes de la servitude. Le choix de ses chaussures, porté sans chaussettes, est lui aussi assez explicite puisqu'il permet à notre enseignante de moucher le docte impérialisme de la science médicinale en démontrant que les remèdes susceptibles de guérir l'humanité des maux bien souvent imaginaires qui l'assiègent seront littéraires et certainement pas pharmaceutiques. Optez comme le fait Monsieur Boucher. Professeur de lettres, canipocagne, pour des couleurs ternes et des personnalisantes, c'est réussir le tour de force de se ranger dans le monde ultralibéral de la sexualité du côté des vaincus. Le choix d'une veste, insignifiante et objectivement à contre-courant des normes esthétiques habituellement mises en vigueur, permet à notre assistant, à notre enseignant, d'insister sur la vanité de la quête d'une âme sœur que notre société de consommation contemporaine a éteinte depuis longtemps déjà. Vous l'avez noté, la littérature de Michel Houellebecq trouve ici une manière de s'exprimer vestimentairement avec une vitalité et une force peu communes. La chemise, par exemple, réussit mieux que toute entreprise didactique à évoquer les désastres que notre civilisation traverse depuis qu'elle a tranché la gorge de la tendresse. Le pantalon, quant à lui, laisse entrevoir la cheville et réussit à nous faire toucher de l'orteil la violence que l'on s'afflige à soi-même. En effet, la cheville, où s'attachaient à l'époque les boulets de bagnard, nous évoque, à condition qu'elle soit bien mise en valeur par un pantalon de cet inintérêt, les fers oppressants des prisons mentales que nous avons édifiées à l'aide de notre environnement social. Les courtes chaussettes, elles, constituent un élément tout à fait caractéristique de la mode que cherche à défendre notre professeur. Elles donnent à voir à nos élèves que malgré tous les efforts d'auto-persuasion que l'on pourra s'administrer, il n'y a rien à espérer du siècle à venir, si ce n'est peut-être la fin de l'humanité, ce qui somme toute ne serait pas une si mauvaise nouvelle. Alors, ce beau défilé nous montre à quel point l'élégance peut être la signature d'un vestiaire français. Cette élégance peut être le dénominateur commun vu de l'extérieur d'une apparence française. Et cette élégance a été particulièrement. J'ai peut-être bloqué. Oui. Je ne touche plus, mais je peux parler. La mode, finalement, a contribué à fabriquer ce mythe d'une élégance à la française. Les Français, et surtout les Françaises, porteraient les formes, les lignes, les couleurs d'un vestiaire spécifiquement français, et ce, avec goût ou raffinement. Il faut peut-être... Je crois que j'ai bloqué ici. Ah. J'ai bien fait de toucher. Donc ce vestiaire spécifiquement français serait porté notamment par les femmes avec goût et avec raffinement. Et dans le monde professionnel, les entrepreneurs vont reprendre à leur compte cette élégance comme image de marque. Alors on pense bien évidemment tout de suite à Air France, hein, qui a été étudié notamment par Guillaume de Sion, pour ceux qui sont intéressés sur la question. Ils font appel très rapidement à des couturiers et à des couturières, surtout, dans un premier temps. Et les premières hôtesses de l'air dès 1945-1946 vont être habillées par Georgette Rénal. Alors Georgette Rénal va proposer, en guise de vestiaire, une tenue très sobre, le tailleur, la robe... Et le manteau, le problème, c'est que ces hôtesses de l'air ont un peu l'allure d'une collégienne. Et donc, ça va durer quelques années. Au début des années 1950, il faut absolument moderniser la tenue de ces hôtesses de l'air est féminisée, cette tenue, que ça corresponde à l'esprit des années 50. On fait appel alors à Georgette de Trèze. Cette tenue va être employée quelque temps. Et il y a un souci constant chez Air France de faire appel à des couturiers qui sont à la mode et qui sont en vogue pour que l'entreprise soit particulièrement remarquée et qu'elle puisse finalement être une vitrine pour la France. Alors, au début des années 1960, Christian Dior va révolutionner en quelque sorte les tenues de ses hôtesses de l'air en proposant un bleu ciel, un bleu beaucoup plus clair, le bleu dit Marceau, avec un tambourin qui remplace le fameux béret. Et il y a là un manifeste du raffinement de la haute couture. On ose encore aller plus loin chez Air France et on fait appel à Balenciaga, hein, c'est l'une de ses dernières collections. Il va proposer à la fin des années 60 une tenue dont l'élégance va poser problème. Alors elle est assez confortable, néanmoins il a ajouté pour la première fois des accessoires et notamment des gants blancs qu'il fallait mettre et enlever. Il y a la question du chapeau aussi et ça ne plaît absolument pas. Alors à partir de la collection Balenciaga, l'entreprise va mettre en place un cahier des charges avec finalement une triple exigence, hein, celle du confort, celle de l'aisance et celle de la praticité. Un cahier des charges qui va être appliqué jusqu'à nos jours et qui va permettre à cette entreprise, qui a absorbé de nombreuses sociétés, de créer une identité unique, à la fois porteuse de l'entreprise et représentative de la France. C'est Christian Lacroix qui est en charge de la collection en 2005, qui va d'ailleurs affirmer que grâce à ces vêtements, eh bien, on peut reconnaître entre 1000, dans n'importe quel aéroport du monde, un équipage Air France. Et on le reconnaît à quoi ? Eh bien, on reconnaît cet équipage à ses couleurs, au mélange d'allure et de style inexprimable. Alors, une définition un peu laborieuse de l'élégance, mais toujours est-il qu'il a proposé une centaine de pièces qui sont combinables, et qui permet aux agents de revisiter cette élégance à la française, hein, notamment avec le pantalon qui va habiller les femmes à partir de 2005. C'est la première fois qu'on les utilise pour les hôtesses de l'air. Et on s'aperçoit, lorsqu'on regarde ces vestiaires, que les vêtements ne sont pas conçus pour montrer les femmes, mais ils sont élaborés pour vendre le vol. Et ils permettent ainsi d'identifier la compagnie et la France. Alors, il y a bien évidemment une forme d'idéalisation de cette élégance, hein, si bien qu'à l'heure de la concurrence et de l'ouverture des marchés, les entreprises vont essayer de récupérer ces images. Ils vont faire appel aux grands couturiers afin d'introduire de l'élégance. C'est le cas de la Poste, c'est le cas de la SNCF. Ce d'autant qu'ils veulent se débarrasser des formes d'inspiration militaire qui ont caractérisé leurs uniformes pendant des décennies. Alors, ça peut poser problème. C'est le cas du passeport pour l'élégance. C'était le projet qui était intitulé ainsi à la fin des années 1990 à la Poste. Et ils ont fait un sondage auprès des employés. Et en 1999, lorsque le directeur de la communication de l'image de marque et de la signalétique découvre le résultat, il s'écrie et surtout il est horrifié parce que les résultats du vote national qui a été pratiqué auprès des postiers, montre qu'ils ont choisi la tenue Ted Lapidus. Alors à l'époque, c'était un peu à la mode. Toujours est-il qu'il y a un problème de taille, tout simplement parce que la couleur des vêtements dessinés par Ted Lapidus sont bleus très foncés et presque noirs. Et donc, ils ne représentent absolument pas l'entreprise. Le rappel de la couleur jaune, En dehors des accessoires, n'est absolument pas visible sur les vêtements. Et les accessoires, bien évidemment, restent à la maison. Ce cahier des charges imposait pourtant d'utiliser le jaune de la Poste par petites touches au-dessus du bleu. Bon, toujours est-il que le directeur était horrifié par ce vestiaire sans véritable personnalité maison. On aurait pu habiller n'importe quel autre client et finalement considérer que c'était un agent de la SNCF ou un agent d'EDF. D'ailleurs, en parlant de la SNCF, la couleur, pour cette entreprise, a posé également problème. Il suffit de voir le scandale du vert chartreuse et du violet qui a été utilisé par Lacroix en 2007. Les couleurs de l'uniforme, effectivement, peuvent évoluer, quelque peu, mais si on devient trop original, c'est très rapidement et directement controversé. À la fois, on retrouve les défenseurs de la tradition et les tenants d'une modernisation des tenues et des couleurs. Toujours est-il que ce vêtement de travail, il est réputé pour résister peu et surtout pour évoluer peu, pardon, et surtout pour résister à la mode, et notamment à celle de l'évolution des couleurs. D'ailleurs, les entreprises, ces entreprises qui viennent d'être évoquées sont historiquement nationales et elles doivent continuer à représenter la France avec leur identité visuelle. Bon, cela dit, cette élégance à la française et ce choix des couturiers permet de faire des défilés de mode au sein même des entreprises, hein, comme ici avec la présentation de la nouvelle tenue SNCF 2015, et ça permet d'intégrer peut-être davantage les personnels. En tout cas, c'est la volonté de l'entreprise. Il s'agit à la fois d'être fier de son entreprise et de son pays. Alors, je vous remercie. Je pense que c'est le moment des questions. Je prends la parole à la place de Jennifer, qui vous remercie aussi. Et si vous avez des questions ou des remarques à la fois à ces deux individus qui ont parlé, pendant que d'autres individus ont pu faire un très beau défilé de mode et de très belles prestations sur cette scène. Comment ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir, du coup. Moi, je voulais juste savoir, j'ai une question à vous poser, de tout ce que vous nous avez parlé, tout ça. Une identité française, pour qui, finalement ? Tu commences, je commence. Vas-y, si tu veux inspirer. C'est toujours le problème des vêtements de travail. Ils permettent, finalement, d'identifier un individu qui appartient à une entreprise en tant que personnel. Probablement à l'international, pour Air France, à l'international, c'est clair. Pour la SNCF aussi, puisqu'ils réalisent les connexions dans le cadre du réseau européen. L'identité française... En tout cas, ça permet de souder une société ou dans le cadre d'une entreprise, et ça permet d'avoir un sentiment d'appartenance qui n'est pas toujours conscientisé ni perçu comme tel par les employés. Mais c'est en tout cas la volonté des entrepreneurs que de créer ce sentiment d'appartenance, d'offrir finalement une possibilité de s'intégrer. Au XIXe siècle, c'est certainement beaucoup plus clair, puisque le fait d'endosser la blouse chez les facteurs, c'était une véritable promotion, et ça permettait d'intégrer l'espace national en construction, très clairement. Chez les cheminots aussi, mais lorsqu'on regarde, par exemple, le nombre de contrôleurs dans la compagnie des chemins de fer du Nord, dans les années 1880-1890, ils sont 67. Donc, ça fait peu de personnes à habiller. Mais toujours est-il qu'à l'intérieur de l'entreprise, ça crée de la fierté. Il y a la question de la promotion, des galons qu'on peut obtenir. Je sens que je commence à contourner la question pour répondre à côté, mais je sens que mon camarade et mon voisin de droite va prendre la parole. Oui, ce qu'on peut constater, en tout cas sur le plan politique, c'est que, en même temps, on parle d'identité, mais on constate aussi une très forte uniformisation des apparences des leaders politiques. Il n'y a plus guère de véritables distinctions selon les États, selon les pays. Alors, bien sûr, il y a toujours certains qui sont dans des logiques de recherche distinctive. On se souvient de Jack Lang dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en arborant une veste Mao siglée Thierry Mugler, rompant en quelque sorte ici avec des pratiques institutionnalisées, le port de la cravate en particulier. On se souvient aussi, j'imagine, vous vous en souvenez, de la focalisation sur le vestiaire lors de la dernière élection présidentielle et en particulier sur les fameux costumes de François Fillon. On voit que le vestiaire aujourd'hui n'est plus nécessairement quelque chose d'anodin, même si c'est quelque chose de relativement banalisé. Il peut devenir un véritable enjeu politique, un enjeu électoral, à travers son coût, tout simplement, à cette époque où on est entré dans une volonté de transparence de la part des médias, qui est largement construite, bien sûr. Cette association à la fois de la transparence, cette exigence de transparence, mais aussi, dans un contexte de crise, a doublé avec une volonté d'égalisation des conditions, peut-être. Je pense que plus que d'une identité française, il faudrait parler d'une identité à la française concernant le vêtement, puisque finalement c'est en fonction des habitudes, et notamment dans le monde du travail, qu'on se conforme à un type de tenue dans les grandes entreprises, bien évidemment avec des écarts à la norme, et notamment aux normes qui ont été posées à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, au moment où finalement le vêtement confectionné commence à prendre place et très largement dans nos pratiques vestimentaires, alors que la confection domestique a encore de nombreuses années d'existence à cette époque-là. J'ai le micro, donc j'y vais pour une question. Vous avez parlé en fait de l'identité française, mais vraiment représentée par des chefs politiques et des entreprises d'État. Est-ce qu'il y a une identité française au-delà de ça, enfin une identité française commune à tout le monde, en dehors de la représentation d'État, politique et du travail? Je ne sais pas si c'est très clair, cette question. Si, si, ça l'est, on réfléchit. Difficile, non. Moi, je dirais non. Enfin, plus ou moins spontanément. Il y a un processus, l'identité, c'est d'abord et avant tout un processus de construction qui est assumé et intériorisé par la plupart des citoyens. Donc, s'il y a une identité, c'est à travers une mémoire qui est construite, qui est transmise par l'école, par tout un certain nombre d'instances de socialisation. Et on sait l'attention évidemment que portent les hommes politiques, les acteurs politiques au programme scolaire à cet égard, parce que on le voit bien, c'est pas simplement sur le plan historiographique de transmettre chez certains une vérité historiographique, c'est surtout de commémorer, et en particulier de commémorer les plages glorieuses de l'histoire de France, à des fins évidemment de construction identitaire de ce point de vue. Donc il y a cette volonté, bien sûr, des acteurs politiques de construire une identité qui serait fédératrice, qui agrégerait autour de symboles le plus grand nombre, mais en même temps, il est évidemment difficile de définir ce qu'est, me semble-t-il, l'identité nationale. Je vais rebondir là-dessus peut-être avec la question de la fabrique des identités. C'est certainement en lien avec les figures d'attachement à tous les échelons et notamment dans le cadre familial. Mais je reprends l'exemple des habitants de l'Empire en Afrique au XIXe siècle. On avait ce sentiment d'appartenance à l'Empire et c'était vraiment à la mode on les surnommait d'ailleurs les Lafayette, d'acheter un costume qui était taillé aux Galeries Lafayette. Et donc il y avait des catalogues de fabricants de vêtements à destination des populations colonisées qui leur permettaient de se faire tailler des vêtements à distance à Paris. Et on recevait, alors c'était une grande fierté. Je pense que c'est le sentiment d'appartenance qui est le résultat d'une stratification, d'un chevauchement en termes de figures d'attachement, quelles qu'elles soient, que ce soit des figures d'attachement physiques dans notre entourage, la famille ou pas, et des figures d'attachement qui sont beaucoup plus allégoriques, comme l'État ou la République. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas d'autres questions ? Non. On va pouvoir arrêter. Donc, il y a pour les gens qui voudraient aller au spectacle, jusque dans vos bras, ça va être le moment d'y aller. Voilà. Et en tout cas, on vous remercie, enfin, de la part de Jenny qui ne peut pas parler, on vous remercie d'être venus si nombreux ce soir pour cette conférence.